Au premier mot, la Giraud me devina. Cela n'était pas difficile. Quand une lettre, apportée à deux jeunes filles, n'aurait pas parlé d'elle-même, mon air, sot et embarrassé, m'aurait seul décelé. On peut croire que cette commission ne lui donna pas grand plaisir à faire. Elle s'en chargea toutefois, et l'exécuta fidèlement. Le lendemain matin, je courus chez elle, et j'ai trouvé ma réponse. Comme je me pressais de sortir pour l'aller lire et baiser à mon aise. Cela n'a pas besoin d'être dit. Mais ce qui en a besoin davantage, c'est le parti que prit Mademoiselle Giraud, et où j'ai trouvé plus de délicatesse et de modération que je n'en aurais attendu d'elle. Ayant assez de bon sens pour voir qu'avec ses 37 ans, ses yeux de lièvre, son nez barbouillé, sa voix aigre et sa peau noire, elle n'avait pas beau jeu contre deux jeunes personnes pleines de grâce et dans tout l'éclat de la beauté, elle ne voulut ni les trahir ni les servir, et aima mieux me perdre que de me ménager pour elle. Il y avait déjà quelque temps que la mère Serret, n'ayant aucune nouvelle de sa maîtresse, songeait à s'en retourner à Fribourg. Elle l'y détermina tout à fait. Elle fit plus. Elle lui fit entendre qu'il serait bien que quelqu'un la conduisît son père, et me proposa. La petite mère Serret, à qui je ne déplaisais pas non plus, trouva cette idée fort bonne à exécuter. Elles m'en parlèrent dès le même jour, comme d'une affaire arrangée. Et comme je ne trouvais rien qui me déplût dans cette manière de disposer de moi, j'y consentis, regardant ce voyage comme une affaire de 8 jours, tout au plus. La Giraud, qui ne pensa pas de même, arrangea tout. Il fallut bien avouer l'état de mes finances. On y pourvut. La mère Serret se chargea de me défrayer. Et, pour gagner d'un côté ce qu'elle dépensait de l'autre, à ma prière, on décida qu'elle enverrait devant son petit bagage et que nous irions à pied, à petite journée. Ainsi fut fait.